L'actualité à Nancy et ailleurs. Pascaline Briozo, bonjour. Bonjour. Vous avez créé l'association Les Rires d'Anna en 2016 suite au décès de votre fille. Et depuis, vous faites de la prévention sur la mort inattendue du nourrisson. Il y aura une semaine du 13 au 17 septembre. Quelles sont les actions que vous menez ? Alors, tous les ans, en fait, on fait de l'information et de la formation auprès des professionnels de santé ou non liés à la petite enfance. C'est-à-dire qu'on se déplace, on ouvre toutes les portes qu'on peut ouvrir. On va au sein des PMI, des relais d'assistante maternelle. On va dans les écoles de sages-femmes, de puéricultrices, d'auxiliaires de puériculture. Et on fait des interventions pour faire de la prévention autour de la mort inattendue du nourrisson. On revoit principalement toutes les bonnes règles de couchage et de portage en vue d'éviter des accidents. Ces accidents, c'est encore méconnu ? Oui, il y a des choses qui sont encore très méconnues. Par exemple, le couchage dans un lit parapluie. Bien souvent, les parents, pour que leur enfant soit bien et dorme bien dans le lit parapluie, rajoutent un matelas, alors qu'il ne faut pas. Et je sensibilise encore plus, c'est vraiment là-dessus que ça s'est lancé, parce que nous, c'est notre histoire par rapport à notre petite fille. Donc c'est vrai que voilà, quand on s'est rendu compte qu'autour de nous, personne ne savait, on s'est dit, c'est pas possible, c'est que ça peut encore arriver. Et voilà, c'est un peu comme ça qu'est partie l'idée de faire de la prévention. Au niveau national, c'est relativement récent cette prévention. C'est pas si récent que ça, puisqu'il y a l'association Naître et Vivre sur Paris, qui est leader depuis plus de 35 ans dans la prévention de la mort inattendue du nourrisson, mais également dans l'accompagnement de parents en deuil. Mais ce qu'il y a, c'est que la dernière grande campagne nationale de prévention date des années 90, quand on a recouché les bébés sur le dos. Il faut savoir que grâce à cette campagne, le nombre de décès a diminué de 75%. Ça, c'est à souligner, parce que c'est souvent que l'on se demande, avant, il fallait les coucher sur le ventre, après sur le côté, maintenant sur le dos. Donc c'est vrai que des fois les parents sont perdus, mais du coup on sait maintenant que le bon couchage, c'est sur le dos, c'est acté, c'est signé, c'est quelque chose sur lequel on ne reviendra pas en arrière. Il y a trois chiffres qui sont importants, donc, parce que dans la mort inattendue, on a trois groupes de bébés qui sont décédés pendant leur sommeil. Donc il y a les vraies morts subites, enfin quand on dit vraies morts subites, parce qu'avant tout était mort subite, maintenant c'est étiqueté différemment. Donc c'est malheureusement quand on ne retrouve aucune cause. On est obligé finalement de dire aux parents, votre enfant est décédé de mort naturelle, parce qu'après des investigations post-mortem, on ne sait toujours pas au jour d'aujourd'hui pourquoi le bébé est décédé. Donc c'est à peu près 100-150 décès par an. C'est un chiffre qui ne bouge pas au niveau national. Ensuite, on a à peu près 100-150 décès. On va retrouver des pathologies, des problèmes métaboliques, des problèmes génétiques, des maladies qui ont décompensé, qui ont entraîné le décès. Et puis après, et là, c'est vraiment nous, notre cri de bataille, c'est environ 300 décès annuels. Et là, c'est des accidents liés à des problèmes de couchage. Donc, comme on l'a souligné, le rajout du matelas dans le lit parapluie, par exemple. Donc, le rôle de la prévention est essentiel. C'est ce que vous faites depuis 2016 maintenant. Comment ça se concrétise sur le terrain ? Je crois que vous avez signé une convention avec le CHRU l'année dernière. Oui. C'est vrai qu'à force de se battre, de pousser des portes, on a réussi à se faire entendre. Donc, il faut savoir que notre association, elle travaille en lien étroit avec l'hôpital d'enfants de Brabois et notamment avec le docteur Anne Borsa d'Orion, qui est la chef des urgences pédiatriques. L'hôpital d'enfants de Brabois, c'est l'hôpital référent en Lorraine. Sinon, quand il y a un décès par mort inattendue, il faut aller soit à Besançon, soit à Strasbourg. C'est un centre de référence, en fait. Il faut savoir qu'il y en a 39 en France. Il y en a 37 qui sont très actifs. Et du coup, c'est eux qui m'ont formée, également avec une formation auprès de Naître et Vivre. Donc j'accompagne Anne. Ou alors, on se déplace aussi avec Marine, qui est infirmière référente mort inattendue du nourrisson, ou avec Karine, qui elle est puéricultrice référente. Et toutes les trois, voilà, travaillent à l'hôpital d'enfants de Brabois. Et donc, avec elles, on se déplace. Et cette année, on a signé un partenariat avec le CHRU de Nancy pour former l'intégralité des professionnels. Donc on intervient dans leur cursus de formation, donc que ce soit auprès des infirmiers, que ce soit auprès des manipulateurs radio, voilà, tout ce qui touche au médical, on rentre dans leur cursus de formation. Au niveau des partenariats cette année, on va travailler aussi en lien avec la communauté de communes Moselle et Madon, qui vont nous permettre d'intervenir dans leur crèche et de faire vraiment un travail avec le CIAS, et c'est vraiment quelque chose, voilà, ça fait quelques semaines, pour pas dire quelques mois, que le projet est lancé, et ça va être aussi quelque chose d'aussi important, en tout cas, que le partenariat avec le CHRU de Nancy. Et du coup, on espère que ça lancera et que ça donnera des idées aux autres communautés de communes et aux autres responsables dans les différents départements qu'il y a autour de nous. La prévention qui est aussi au cœur d'une semaine en septembre, ce sera du 13 au 17 septembre. Est-ce qu'on sait déjà un peu qu'est-ce qui va se passer lors de cette semaine ? Alors, il faut savoir que la situation sanitaire est un peu particulière. Normalement, on se déplace sur différents sites où on tient des stands avec la chambre des erreurs, des diapos, des photos. Voilà, on est vraiment sur place. Il y a des groupes de parents ou des groupes de professionnels qui viennent nous voir, que ce soit au sein de la maternité de Nancy, que ce soit au sein de l'hôpital d'enfants ou à Majorelle pour notre secteur à nous. Mais là, du coup, on va voir exactement comment on peut organiser les choses en fonction de la situation sanitaire. Mais vu qu'on a pas mal bougé, qu'on a pas mal formé de personnes, que ce soit sur Metz ou dans les Vosges, on les encourage en fait à reprendre par exemple des expos en forme de photos, à afficher les plaquettes de prévention dans les couloirs pour que les gens soient interpellés lors de cette semaine de prévention. Au fur et à mesure qu'on approchera de cette date, je suppose que sur votre page Facebook, vous relayerez les différents événements qui seront programmés. Exactement, ça c'est le but. La page Facebook nous permet vraiment de transmettre toutes les informations utiles. On fera tout ce qu'on peut pour transmettre les informations en temps et en heure. On espère qu'on pourra avoir un endroit où on sera réellement présent pour que les parents puissent nous voir et pour qu'on puisse répondre à leurs questions. Pareil pour les professionnels. Donc ça c'est très important. Et puis en plus sur la page Facebook, il faut savoir que cette semaine elle est nationale. Donc généralement j'essaye de transmettre toutes les infos au niveau national pour que les gens qui habitent à Nantes, à Montpellier ou à Paris puissent se rendre sur les lieux où il y a les interventions de prévention. Si en vous écoutant on a envie de vous filer un coup de main, comment on peut faire ? Je crois qu'en août il y a une course à pied qui est organisée à Longemer, donc on peut aller courir pour Anna, je crois. C'est vrai que la course de Longemer c'est un petit peu particulier parce que on y va en hommage un peu à Anna, parce que c'est vrai que cette course était mes premiers 10 km et c'était la veille de l'accident. Donc c'est vrai que encouragé par la famille, on y retourne maintenant tous les ans. Donc c'est des organisateurs indépendants. On vient se greffer à leur course et on court en hommage un peu pour Anna. Le cadre idyllique, ça se passe au lac de Xonrue, Plongemer. Donc c'est juste un endroit magique et magnifique. Donc on y passe après la journée. Mais oui, voilà, on organise plein de choses pour l'association, même indépendamment de cette course tout au long de l'année, sauf depuis le Covid, c'est un petit peu plus compliqué, mais voilà, oui, comme ça, on essaye de récolter des fonds pour l'association. Ça va être un peu en fonction de la situation sanitaire, parce que c'est vrai qu'on a organisé des tournois futsal, des repas dansants, et du coup, là, c'est extrêmement extrêmement compliqué, mais on sait qu'on pourra certainement participer à un marché de Noël cette année. Ça avait été possible l'année dernière au sein d'un magasin qui nous avait laissé mettre en place un petit stand et les gens qui passaient avaient possibilité d'acheter des petits trucs. Mais voilà, là, en tout cas, l'organisation de manifestations pour récolter des fonds, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, la semaine de prévention de la mort inattendue du nourrisson, c'est du 13 au 17 septembre. Pour en savoir plus, pour soutenir l'association Les Rires d'Anna, eh bien, on se rend sur votre page Facebook qui s'appelle tout simplement Les Rires d'Anna. Pascaline Briozo, merci. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.